إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication de la aqida des deux Razi, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Et donc dans le cours numéro 11 aujourd'hui on va parler du point numéro 7 qui a été traité dans la aqida de ces deux imams, et c'est la question de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, hein? Et que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis avec leurs yeux, et Allah subhanahu wa ta'ala va parler aux croyants. Donc tout ça c'est le point numéro 7. Le point précédent dont on a parlé dans le dernier cours, dans les deux derniers cours, c'était au sujet de yani al-istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, et que on doit croire en cela et en tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit, et d'une manière qui lui convient, sans faire de ressemblance entre le créateur et la créature, et sans faire ou bien sans poser les questions à propos du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans déformer le sens réel de ces attributs-là. Donc ça c'est la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des attributs d'Allah. Et la question ici, lorsqu'on parle de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est relié justement à la question des noms et des attributs. Et comme on le sait tous, alhamdoulillah, la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est directement reliée avec la question du tawhid, puisque c'est une des trois catégories du tawhid. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma'i wa sifat. C'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie et dans sa souveraineté. Et la deuxième catégorie, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et la troisième catégorie, c'est yani, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Et donc pour les gens de bid'ah, hein, pour eux il n'y a qu'une seule catégorie de tawhid et non trois, hein. Pour les jahmiya et les mu'tazila, les asha'ira, les maturidiya, eux ils pensent qu'il n'y a qu'une seule catégorie de tawhid, c'est-à-dire tawhid al-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie, c'est-à-dire de croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul à faire vivre et à faire mourir, le seul à contrôler qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Et ils pensent ou ils s'imaginent que depuis que tu affirmes l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est unique et qu'il est le seul maître de toutes choses et le seul créateur, ils pensent que cela est suffisant pour être un musulman, ou que c'est suffisant pour être sur le tawhid. Or, on a plein de versets dans le Coran qui confirment et qui mentionnent que les mouchriquins de la Mecque, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils confirmaient, ils affirmaient qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul Créateur et que c'est Allah. Mais, malgré tout, ils associaient avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Donc ils faisaient le shirk dans l'adoration, malgré qu'ils affirmaient dans l'arububiyya, ils affirmaient le tawhid. Donc si quelqu'un affirme le tawhid dans une des trois catégories, mais qu'il en délaisse une des trois, eh bien son tawhid n'est pas complet et il n'est pas sorti du shirk. Hein? Et donc c'est très important que la personne confirme et affirme le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces catégories. Tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma'i wa sifat. Et une des plus importantes catégories du tawhid, c'est le tawhid dans l'adoration justement, puisque yani, c'est le tawhid qui fait que on le met en application. C'est la mise en application pratique du tawhid. Et donc si quelqu'un dit je crois qu'il y a un seul maître, un seul créateur, puis par la suite il adore d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, il demande l'aide d'autres que Allah, il cherche le refuge en autre que Allah, il sacrifie des animaux pour autre que Allah, il fait le tawaf pour autre que Allah, eh bien ça veut dire qu'il a contredit son tawhid. Il a contredit son tawhid puisque en prenant ses créatures ou ses êtres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme divinité ou objet de son adoration, eh bien il les a élevés à des niveaux de divinité, même si il ne dit pas explicitement qu'il croit que ces créatures ou que ces objets ou ces choses qu'il adore sont des créateurs ou ont créé quoi que ce soit. Donc même s'ils ne disent pas mon Dieu ou la chose que j'adore en dehors d'Allah a créé le ciel et la terre et contrôle tout dans l'univers, même s'il ne dit pas ça, hein, mais en l'adorant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé, il l'a mis à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala rentrent directement dans ce sujet-là, puisque lorsque quelqu'un adore quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en général, hein, c'est parce qu'il a donné à cette chose des attributs divins. Hein, il a donné à cette chose des attributs divins et des caractéristiques divines. Et donc ceux qui adorent par exemple les tombes et les morts et qui prient les awliya dans leur tombe, eh bien souvent c'est parce qu'ils ont cru que ces awliya, ces morts peuvent entendre, hein, et connaissent yani, le rayb, ou parce qu'ils peuvent voir et entendre tout ce qui se passe dans l'univers ou dans le monde, ou qu'ils ont un pouvoir quelconque de pouvoir leur venir en aide. Et ça rentre dans yani, le shirk, hein, puisque tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs et dans ses noms. Et donc tout ça c'est tout relié, hein, le tawhid al-rububiyya, le tawhid al-uluhiyya et le tawhid al-asma al-sifat, on ne peut pas les séparer et ils ne peuvent pas être séparés. Et celui qui les sépare et qui yani, néglige une des trois, il tombe dans l'égarement. Donc ayant dit cela, on va commencer tout de suite à lire la suite donc de qu'est-ce que les deux imams ont mentionné dans cet élément de la aqida. Et ils ont dit Wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah wa yarahu ahlul janna bi absarihim wa kalamuhu kayfa sha wa kama sha. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala, il sera vu dans l'au-delà. Il sera vu dans l'au-delà. Et les gens du paradis le voiront avec leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle comme il veut, et il parle comme il veut, et yani, de la façon dont il veut. L'explication de ça, le Cheikh, il commence, Cheikh Rabi' hafizahullah, et il dit Wallahu tabaraka wa ta'ala. يعني الشيخ يقول هذه من عقائد أهل السنة التي غايرهم فيها وخالفهم فيها الجهمية والخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع والضلال, وأن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. هذه قضية ثابتة في القرآن والسنة. donc il dit que la عقيدة أهل السنة, hein, de dire que Allah سبحانه وتعالى sera vu dans l'au-delà, ça c'est un élément qui fait partie yani, des éléments les plus importants, hein, dans la aqidah d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Et le fait d'affirmer cet élément-là dans la aqida, eh bien, c'est une chose qui a été opposée par différents groupes de bid'ah et différentes sectes d'égarement. Parmi ces groupes qui ont opposé cet élément dans la aqida et dans la foi, l'affirmation des noms et des attributs d'Allah, parmi ces groupes, il y a les Jahmiyyah, bien entendu, et ceux qui les ont suivis. Donc quand on dit les Jahmiyyah, ça comprend tous les autres qui les ont suivis dans cet égarement-là à propos des attributs d'Allah. Donc quand on parle des Jahmiyyah, ça inclut les Mu'tazila, les Ash'ara, les Maturidiyah et tous ceux qui ont cette bid'ah. D'accord? Mais des fois, les ulama, ils ne les énumèrent pas toutes, hein, pour économiser du temps, puis en même temps, du fait qu'ils partent toutes, et ils découlent tous de la bid'ah des Jahmiyyah. Donc, puisqu'ils découlent tous de la bid'ah des Jahmiyyah, de les citer en disant les Jahmiyyah, ça les inclut au complet. Ensuite, les Khawarij. Hein, les Khawarij font partie des groupes de bid'ah qui ont été influencés par les égarements des Jahmiyyah aussi. Et même si les premiers Khawarij affirmaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les Khawarij qui ont suivi par la suite, parmi certains d'entre eux, ils ont nié ces attributs-là. Et comme exemple de ça, il y a la secte des Ibadiyya, les Ibadiyya ou Abadiyya, qui existent aujourd'hui encore, hein, dans certains pays musulmans, comme par exemple dans le sultanat de Oman. Là-bas, ceux qui dirigent là-bas, ce sont des Abadiyya. Et il y en a des groupes de ces tendances-là, ou qui respectent même, qui suivent même le sultan de Oman, dans d'autres pays du nord de l'Afrique. Hein, ils plaident allégeance, ou ils donnent allégeance à cet amir, comme les Mozabites de l'Algérie. Les Mozabites de l'Algérie, qu'on appelle les Mozabites, mais en réalité ce sont des Abadiyya. Et ils sont dans la région de Ghardaya, hein, en Algérie. Et eux, ils nient, eux aussi, les gens de cette tariqa ou de cette secte, hein, de Khawarij, ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu au jour de la résurrection, et ils nient qu'il est au-dessus de son trône, et ils nient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Donc ça, c'est des exemples d'égarements qu'ils ont. Et on les retrouve aussi, je crois, en Tunisie, puis en Libye également. Donc ce sont des groupes d'égarements à ce sujet-là. Et aussi, ici, il y a une note, quand les deux imams ont dit, par exemple, qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, il dit « Kalamuhu kayfasha wa kamasha », sa parole est comme il veut, et de la façon qu'il veut. Et dans d'autres versions de, ou narrations de la aqidah des deux imams, il y a écrit ce qui suit: wa yasma'una kalamahu kayfa sha'a wa kama sha'a, c'est-à-dire, et ils entendent sa parole comme il veut et de la façon qu'il veut. Donc ça, c'est juste pour clarifier, parce qu'il y avait une note à ce sujet-là. Donc il y a, c'est comme j'ai mentionné, ces groupes, les Jahmiyyah, les Khawarij, et il y a aussi les Rawafid. Les Rawafid qui sont qui est le mot, c'est le pluriel des Rafida. Les Rafida, c'est parmi les sectes des Shia qui insultent les Khulafa Abu Bakr, Omar et Othman, et qui déclarent kuffar le reste des Sahaba excepté 4 ou 5 qui disent qu'eux, ils sont pas sortis de l'islam, mais pour eux, tous les autres sont devenus kuffar après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pour laquelle ils prétendent qu'ils sont devenus kuffar, c'est parce que, une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté le khilafa de Ali comme étant le premier khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en prétendant, ils prétendent que le khilafa doit être uniquement chez les descendants de Ali radiallahu anhu, et non pas chez quelqu'un d'autre. Donc à cause de cette bid'a qu'ils ont ramenée, ils ont fait le takfir de la umma en entier, Allah al-musta'an. Et ils ont eux aussi été influencés par la aqida des Jahmiyyah, puisque la plupart des Shi'as, parce qu'on dit que les Shi'as sont plusieurs sectes, hein, pas une seule secte, mais plusieurs sectes. Et parmi les sectes des Shi'as, on compte la plus importante qui est, ou la plus importante en nombre, hein, c'est la secte des Rafida. Sauf qu'il y a beaucoup d'autres sectes aussi, comme les Ismaïliya et les, il y a les Zaydiya, il y a d'autres encore. Et ces différentes sectes, il y en a des centaines, mais ces sectes, elles ont été influencées par les Mu'tazila à l'époque de la fitna. Et donc aujourd'hui, tu les retrouves encore sur la aqida des Mu'tazila. Donc la aqida des Mu'tazila existe, hein, telle qu'elle dans les livres et les enseignements des Rafida. Les Rafida, dans qu'est-ce qui a rapport avec la foi en le qadar, la prédestination, et la foi en les noms et les attributs d'Allah, ils sont sur la aqida des Mu'tazila, c'est-à-dire la négation des attributs d'Allah et la négation du qadar, hein? Donc ce sont des gens d'égarement. Allah musta'an. Et il y a d'autres groupes de bid'a également, et des gens d'égarement et de bid'a qui yani tombent dans ces erreurs-là et qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà. Et donc ça, c'est une question qui est affirmée et confirmée dans le Coran et dans la Sunna. Et donc on va en parler maintenant avec les preuves. Cheikh Rabi' il dit amma al-Qur'an, c'est-à-dire en ce qui concerne les preuves dans le Coran, voici les exemples de preuves qui sont mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. Donc il dit فالله تبارك وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. C'est-à-dire ce jour-là, leurs visages seront éclatants, hein, brillants, éclatants, illuminés. إلى ربها ناظرة. Et ils regarderont leur Seigneur, hein, ils regarderont leur Seigneur. C'est les versets 22 et 23 dans sourate Al-Qiyamah. Et ça, c'est ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu au jour de la résurrection et dans le paradis. Donc, yani, le cheikh il explique, il dit وَجُوهٌ يَوْمَ إِذٍ نَاظِرَةٌ يَعْنِي حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ مُضِيئَةٌ. Donc les visages, quand on dit qu'ils seront ce jour-là, qu'ils seront nadira, nadira ça veut dire qu'ils seront beaux, qu'ils seront yani, illuminés, éclatants, brillants. إلى ربها ناظرة. لشيخ الزي الله يكرمها في الجنة ويبيض وجوهها أو نعم يبيض وجوهها ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ثم يضيف إلى ذلك بأن يكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم وهو عندهم أفضل من كل النعيم في الجنة. donc شيخ ربيع il explique, il dit que إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ, ils regarderont, ou ces visages regarderont leur Seigneur, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire l'honneur dans le paradis d'illuminer leur visage, hein, et il va leur donner ce que aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu. Et on ajoute à cela, il ajoutera ensuite à cela que Allah subhanahu wa ta'ala va les honorer en leur permettant de regarder son noble visage, Allah subhanahu wa ta'ala, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour les croyants et les gens du paradis, ce sera le plus grand et le meilleur des délices du paradis. Ce sera le plus grand et le meilleur délice du paradis. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال المعطلة إلى هنا ليست حرف إلى هنا ليست حرف جر وإنما هو مفرد مفرد نعمة جمعها آلاء جمعها آلاء قبحهم الله كيف يسند النظر إلى الوجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأسند الرؤيا إلى الوجوه التي فيها العيون التي ينظر بها أو ينظرون بها إلى ربهم تبارك وتعالى والنظر قد يعد بنفسه فيكون بمعنى الانتظار انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا وهم يقولون أيضا من الانتظار أن النظر للانتظار فيكذبهم القرآن فيكذبهم القرآن وتكذبهم اللغة فلو كان النظر من الانتظار كان يعد النظر بنفسه. donc le sheikh il explique certaines des shubuhat des mu'tazila et des gens de bid'ah, des gens qui nient le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'on sera capable de le voir au jour de la résurrection, hein, et il explique et il dit que les négateurs, les gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils prétendent que le terme ila dans ce verset, c'est-à-dire vers leur Seigneur, quand il dit qu'ils regarderont vers leur Seigneur, ils prétendent que ça veut dire yani le pluriel de ala, le singulier plutôt de ala. Donc yani, c'est-à-dire ila rabbiha nazira, c'est-à-dire ils regarderont les délices de leur Seigneur. Et bien entendu, ça c'est une déformation de yani, la réalité yani, de ce verset-là. Donc, le cheikh il dit, comment on pourrait attribuer le regard au visage, hein, qui est mentionné dans le verset, des visages ce jour-là seront éclatants, vers leur Seigneur ils regarderont, et yani, donc il dit, si la vision ou la vue a été yani, reliée au visage, eh bien on sait que dans le visage il y a les yeux, et donc ils vont regarder leur Seigneur, et le terme de regarder dans ce verset, il est clair qu'il est employé dans le sens de la vue. Parce que le terme nazar, hein, ou nazara, la racine, elle peut indiquer différentes significations, mais c'est relié avec quoi? C'est relié avec le fait que parfois le verbe nazara, il est utilisé de façon transitive et de façon intransitive. Et ça, c'est des termes grammaticaux en arabe, comme quand on dit qu'un verbe il est lazim ou bien qu'il est muta'addi. Et quand le verbe il est muta'addi, des fois on peut le faire devenir transitif en le reliant à un article qui le rendra transitif. Donc l'exemple ici, par exemple, quand le verbe nazara, il est utilisé nazar, il est utilisé tout seul sans ila et sans fi, sans qu'on mette ila après ou sans qu'on mette fi après, dans ce cas-là ça signifie le fait d'attendre. Nazar, hein, si tu l'utilises tout seul sans rajouter fi après ou sans rajouter ila après, eh bien, là, ça veut dire qu'il est transitif par lui-même. Il n'y a pas besoin d'autres articles, mais il change de signification dans ce cas-là, et il sera dans le sens de l'attente, hein, à l'intidhar. Hein, tu dis à quelqu'un, intazir. Hein, ça vient de nazara, la même racine, mais ça a une signification différente. Et un exemple de ça dans le Coran, c'est dans le verset 13, dans surat al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, à propos des hypocrites au jour de la résurrection, hein, ils vont dire unzuruna naqtabis min nurikum, ils vont dire aux croyants unzuruna naqtabis min nurikum, donc ça veut dire attendez-nous, on va aller chercher on va prendre de votre lumière, parce que eux ils marchent, hein, sur le pont et ils ont une lumière au début, parce que on a le prophète a mentionné que les croyants auront des lumières au jour de la résurrection, leurs membres où ils ont fait le wudu vont s'illuminer, et c'est comme ça qu'on va reconnaître la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Et donc les munafiqin, Allah subhanahu wa ta'ala pour se moquer d'eux, hein, au jour de la résurrection, comme rétribution et comme châtiment, il leur donne une lumière au début, puis leur lumière s'éteint, ils la perdent. Alors ils disent aux croyants, attendez, hein, on va prendre un peu de votre lumière. Hein? Et donc, le cheikh il explique que dans ce cas-là, ici, ça veut dire le fait d'attendre, parce qu'il est pas, il dit pas unzuru yani ilayna ou unzuru fina, non, ils disent unzuruna directement. Donc ça veut dire que dans ce sens-là, quand c'est employé de cette façon-là dans la langue arabe, ça veut dire d'attendre. Et eux, les Mu'tazila, ça c'est une autre de leurs shubuhat, c'est qu'ils essaient de prétendre que le verbe dans le verset ila rabbiha nazira, c'est-à-dire comme si dans le sens ils attendront leur Seigneur, et c'est pas possible puisque il est employé avec ila, D'accord? Donc ça n'a pas le sens de l'attente. Et donc ils sont démentis par le Coran, et ils sont démentis, c'est-à-dire les gens de Bid'a sont réfutés par la langue arabe également. Puisque si le terme nazar était dans le sens de l'attente dans ce verset, eh bien il n'aurait, ou plutôt, oui c'est ça, s'il était utilisé dans le sens de l'attente, eh bien il ne serait pas employé avec ila. Kana yu'adda an-nazar bi nafsihi. Après il dit unzuruna naqtabis min nurikum. Unzur wa na bima'na madha intaziruna. Amma huna لما أراد الله أن يخبر عن هذه الحقيقة وهو أن أولياءه ينظرون إليه بأبصارهم جاءت بلفظ إلى عد النظر بإلى التي تكون حقيقة في إثبات النظر والرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهذه من الأدلة على إثبات رؤية الله. Donc le cheikh il explique qu'est-ce que j'ai mentionné, que le verbe انظر il est utilisé avec na, qui est le pronom pour yani le pronom de la deuxième personne, le pronom de la deuxième personne du pluriel en arabe. Et donc c'est dans le sens de quoi? C'est dans le sens de, c'est pas dans le sens de attendez-nous, c'est dans le sens de qu'ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu expliquer ici la réalité du fait que les awliya d'Allah, c'est-à-dire ceux qui sont rapprochés d'Allah parmi ses serviteurs, ils vont le regarder avec leurs yeux. Et ça, ça a été mentionné yani, du fait qu'il y a l'article « ila » qui est employé, qui veut dire yani, que le regard, il est posé, c'est-à-dire c'est dans le sens du regard et de la vue. Quand on utilise an-nazar avec ila, alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est employé dans le sens de la vue et du regard. Et ici, on voit dans le verset ila rabbiha nazira. Donc ça fait partie des éléments et des preuves qui ont été utilisés par les ulama d'Ahl Sunnah pour affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà. Et il dit wa min al-Qur'an lil-ladhina ahsanu al-husna wa ziyada. الحسنى الجنة وما هي الزيادة الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. Donc le cheikh il dit le Coran a également affirmé que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà, et il y a d'autres preuves aussi qui ont été mentionnées dans le Coran. Le verset par exemple 26 dans sourate Yunus, le verset 26 dans sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là que ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont été bienfaisants, eh bien, ils auront comme récompense Al-Husna. Et les ulama ont dit que Al-Husna, c'est le paradis. Waziyada est quelque chose en surplus. Et les ulama ont expliqué que c'est quoi le surplus? C'est le fait de voir le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le noble visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est mentionné dans le tafsir. Dans les ulama de tafsir, parmi les sahaba et les grands imams du tafsir. Donc le cheikh il explique ici, il dit une règle, il explique maintenant une règle, il dit qa'ida an-nazaru idha ta'adda bi nafsihi kana ma'nahu al-intizar ka qawlihi ta'ala unzuruna naqtabis min nurikum wa idha 'uddiya bi ila fa ma'nahu an-nazar bil absar كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإذا عدي بفي كان معناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الآية فسرت فسرها هذا الحديث فسرها المفسرون بأن هذه الزيادة المراد بها النظر إلى وجه الله الكريم. Donc le cheikh il explique, il dit qu'il y a la règle pour comprendre l'emploi ou l'utilisation du terme nazar, c'est la règle suivante. Premièrement, si on, le verbe yani, si le verbe yani an-nazar, hein, il est employé par lui-même sans aucun article, alors ça veut dire que dans ce cas-là, il signifie yani l'attente. Et c'est l'exemple du verset 13 dans sourate Al-Hadid, lorsque les munafiquins disent aux croyants, hein, attendez, laissez-nous prendre de votre lumière. Donc, il a ta'adda binafsi, quand il est employé tout seul. S'il est employé avec ila, alors il a le terme nazar, il a la signification de la vue avec les yeux. Comme dans le verset, dans sourate Al-Qiyama, qu'on a mentionné, 22 et 23, donc ici, il est utilisé avec ila. La même chose que les versets 17 et 18 dans sourate Al-Ghashiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, n'ont-ils pas regardé le chameau, comment il a été créé, wa ila as-sama kayfa rufi'at, et n'ont-ils pas regardé les cieux et comment ils ont été élevés. Donc ici on voit aussi l'emploi du terme yanzurun, hein, le verbe yanzurun avec ila, dans le sens de la vue et de yani, le regard. Et quand il est employé avec fi, donc ma'nahu tafakkur wa li'tibar, c'est-à-dire il est employé dans le sens quand il est utilisé avec fi, il est employé dans le sens de la pensée, de la réflexion. D'accord? Comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le verset 185 dans sourate Al-A'raf, أَوَلَمْ يَنْظُرُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, n'ont-ils pas yani, réfléchi dans au sujet des cieux et de la terre, yani, le royaume des cieux et de la terre. Donc ça c'est dans le but d'observer, dans le sens de réfléchir, dans le sens de méditer, de prendre des leçons, hein. Donc il y a trois emplois du terme nazara, du verbe, et s'il est employé, comme j'ai dit, avec par lui-même, hein, donc il est transitif dans ce sens-là, par lui-même. Mais s'il est employé avec ila ou avec fi, hein, eh bien c'est pas le cas. Donc il a différentes significations dans ce cas-là. Et donc ça c'est une règle qu'on peut employer pour réfuter les Mu'tazila. Dans le sens que lorsqu'on comprend les emplois des verbes et comment ils sont employés selon les différentes circonstances et les différents sens que chaque utilisation peut avoir, eh bien ça nous aide à être capable de les réfuter comme il faut. Lorsque quelqu'un il sait ça, s'il est devant un mubtadi' qui lui dit non mais les visages qui regarderont, ça veut pas dire regarder dans ce sens-là, ça veut pas dire regarder leur Seigneur, ça veut dire attendre leur Seigneur. Eh bien, tu leur dis non, parce que lorsque le verbe nazara il est employé avec ila, ça veut dire que yani c'est la vue avec les yeux, tu vois. Et donc, si il était dans le sens de l'attente, eh bien, le verbe serait employé tout seul, tu vois. Et la même chose dans le terme de istiwa, hein, al-istiwa. Parfois, al-istiwa, il est employé tout seul, ok. Et parfois, il est employé avec ila. Et parfois, il est employé avec ala. Stawa ala. Et quand il est employé avec ala, il ne peut avoir d'autre signification que de s'élever au-dessus de quelque chose, d'être au-dessus. Et donc, ça c'est un autre exemple, comment le fait de connaître la langue arabe comme il faut, ça aide à être capable justement de pas se faire prendre par les choubouhats des gens de bid'a. Le cheikh il dit ensuite, Al-aya fussirat, hein, fassara. Donc le verset 26 dans Surat Yunus, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui ont été bienfaisants ou qui ont fait le bien, ils auront le bien et plus, quelque chose de plus. L'explication du fait que le plus c'est le fait de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça c'est mentionné dans les hadiths et c'est mentionné dans les livres de tafsir et les ulama de tafsir l'ont expliqué lorsqu'ils ont expliqué le Coran. Que ça veut dire, le surplus veut dire de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre preuve du Coran, c'est également qu'est-ce qui est mentionné dans Surat Al-Mutaffifin. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien plutôt le verset en arabe, يقول إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Donc il dit le cheikh après, على الأرائك ينظرون إلى من إلى ربهم hein? Et après il cite les versets au complet. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. نعم. Donc le cheikh il explique. Il dit ces versets-là dans Surat al-Mutaffifin, c'est des versets qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont le regarder. Et c'est les versets qu'il cite, c'est les versets 22 à 24. 22 à 35. Donc il dit, 22 à 24 en premier, il dit... ce qui signifie les bons, les gens qui sont bons, seront dans un jardin de délices. Sur des divans, ils regardent. Sur des divans, ils regardent. Le cheikh il dit, ils regardent quoi? Ils regardent vers quoi? Ils regardent leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et là, il cite tous les versets qui viennent après jusqu'à 35. Il dit, les bons seront dans un jardin de délices. Sur des divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. Nadratan na'im. Quand tu as vu dans l'autre verset dans Surat al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wujuhun yawma idhin nadira. Nadira. Et ici, il dit Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Donc il dit tu reconnais dans leur visage l'éclat du délice. L'éclat des délices. Donc c'est pour dire que on parle de an-nadra, encore une fois, la même éclat que dans l'autre verset dans Surat al-Qiyamah. On leur sert à boire un nectar pur cacheté, laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, une source dont les rapprochés boivent. Les criminels riaient, c'est-à-dire les kuffar, ils riaient des croyants, de ceux qui croyaient, qui étaient croyants. Et en passant près d'eux, se faisaient des œillades, ils se faisaient des petits regards, pour se moquer des croyants. Et en retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. C'est-à-dire, ils disaient des croyants, eux, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Comme la réaction des gens qui, lorsqu'ils voient les musulmans aujourd'hui, les koufars, lorsqu'ils voient les musulmans, ils ont exactement la même réaction que les koufars de ceux dont Allah parle ici dans le verset. Et il dit, or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui, donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des koufars. C'est-à-dire, au jour de la résurrection, ce sont les croyants qui se moquent d'eux. Sur des lits, ou bien sur les divans, ils regardent. Sur les divans, ils regardent. Donc le cheikh, il cite tous ces versets et il dit فَأَثْبَتَ اللَّهُ هَذِهِ السُّورَةَ أَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette surah, il a affirmé qu'ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, والدليل أنه نفى الرؤية عن الكفار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. إلى أن قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية أنه يحجب الكفار عن رؤية الله دليل على أن الله يكافئ المؤمنين بأن يكرمهم بالنظر إلى وجهه جل وعلا، وإلا استوى المؤمنون والكفار. Donc le cheikh il dit dans la suite du verset de Al-Mutaffifin, il dit il dit que dans ce verset Allah a affirmé que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets qui précèdent ces versets là qu'on a lu, il nie la vue, il nie que les koufars vont pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde dans le verset 7, de verset 7 à 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, il dit ce qui signifie non, mais en vérité le livre des libertins, al-fujjar, les pervers, les mécréants, sera dans as-sijjin. Et qui te dira ce qu'est as-sijjin? Un livre déjà cacheté, achevé. Malheur ce jour-là aux négateurs qui démentent le jour de la rétribution. Or, ne le dément, c'est-à-dire ne le traite de mensonge, que les transgresseurs pécheurs, que tout transgresseur pécheur, qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit « ce sont des contes d'anciens ». Pas du tout. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite, ils brûleront, certes, dans la fournaise. Donc, le cheikh, il explique ce verset-là, ces versets, et il dit, ces versets, c'est une preuve, qu'est-ce qu'on a lu en premier, les versets qui suivent, parle de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ici, Allah subhanahu wa ta'ala nie que les koufars vont pouvoir voir leur Seigneur, ils vont être voilés. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Ils seront voilés de leur Seigneur, ils ne pourront pas le voir. Et donc, c'est un verset qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser les croyants en leur faisant l'honneur de regarder son visage. Sinon, si ce n'était pas le cas, eh bien dans ce cas-là, les koufars et les croyants seraient égaux. Les croyants n'auraient rien de particulier par-dessus les koufars dans ce voilement. Et il dit وهذه الأدلة أخذ منها الشافعي وغيره من أن نفي الرؤية رؤية الكفار عن الله عز وجل وحجب الله إياهم عن الرؤية فيها دليل على أن المؤمنين يكرمهم الله بالنظر إلى وجهه الكريم. Donc le cheikh il dit ces versets, on a tiré de l'imam al-Shafi'i, un des imams parmi les imams des salafs de cette umma, ils ont tiré de ce verset, yani que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a nié que les koufars vont voir Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va les voiler, et qu'ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala va faire l'honneur aux croyants de leur permettre de regarder le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال الإمام أبو عبد الله الشافعي في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن وهو الاستدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn Kathir il dit dans son tafsir à propos de cette parole justement l'explication du verset dans Al-Mutaffifun, il dit que l'imam Abu Abdillah al-Shafi'i il a dit que ce verset est une preuve que les croyants vont voir leur Seigneur ce jour-là. Et il dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah, l'argument qu'il ramène en citant ça comme preuve, il dit ça c'est quelque chose qui est une très belle démonstration et une très belle preuve à propos de la preuve qu'il utilise comme compréhension de ce verset. Très belle preuve. Il dit que de la même manière que ça c'est parce qu'il utilise comme preuve qu'est-ce qu'on peut comprendre du verset. Et quand on mentionne les preuves explicites qui sont des versets qui disent la chose explicitement, c'est-à-dire que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala textuellement, eh bien ça vient le verset que l'imam Shafi'i a cité comme preuve dans Surat Al-Mutaffifun, ça vient confirmer qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Qiyamah. Et il dit que il y a également de nombreux hadiths authentiques et qui sont rapportés par un grand nombre qui confirment que les croyants vont voir leur Seigneur dans l'au-delà avec leurs yeux, au jour de la résurrection et dans le paradis. Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam Ibn Kathir. Et en passant, l'imam Ibn Kathir, c'est un des élèves de Ibn Taymiyyah. L'imam Ibn Kathir est un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah. Et il est sur l'aqidah des salafs et sur l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans son tafsir, il défend l'aqidah des salafs. Et donc il dit « Wa min as-sunnah an Abi Sa'id al-Khudri anna nasan fi zaman Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. Donc il a mentionné un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil de hadiths authentiques. Selon Abi Sa'id al-Khudri, il dit que il y a des gens qui à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce qu'on va voir notre Seigneur au jour de la résurrection? Donc il pose la question directement et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répond et il dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit oui et ensuite il leur dit, est-ce que vous avez de la difficulté à voir le soleil en plein midi, lorsqu'il n'y a pas de nuages? Ils répondent, ils disent, ils disent non au messager d'Allah. Donc il leur dit pour le jour et pour l'exemple pour le jour et la nuit. Il leur dit l'exemple pour le jour. Est-ce que vous avez du mal à voir le soleil? Est-ce que l'un de vous peut cause de la difficulté à l'autre de voir le soleil en plein jour à midi lorsque le soleil est au-dessus de vos têtes et qu'il n'y a pas de nuages, est-ce que vous vous causez de la difficulté l'un à l'autre pour être capable de le voir? Ils disent non, messager d'Allah. Hein? Parce que qu'est-ce qui est difficile à voir quand tu es dans une foule? Quand tu es dans une foule de personnes, parmi une foule, et que tu veux voir quelque chose, c'est lorsque c'est loin en avant de toi et que tu ne vois pas. Il y en a des gens plus hauts, des gens plus courts, hein, des gens plus grands, d'autres plus petits, et les petits ont du mal à voir parce que les grands leur coupent la vision. Donc ils voient mal et donc ils sont tous en train d'essayer de se soulever les uns par-dessus les autres pour voir bien. Mais là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, est-ce que vous allez vous empêcher les uns les autres, est-ce que vous allez avoir du mal les uns les autres à voir le soleil lorsqu'il est à midi au-dessus de vos têtes et qu'il n'y a pas de nuages? Ils ont dit non. Et est-ce que vous allez de la difficulté à voir la lune, hein, lorsque c'est la pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages et que la lune est au-dessus de vos têtes? Est-ce que vous avez de la misère ou de la difficulté à cause de la foule? Est-ce que vous avez de la misère à voir la lune? Et ils disent non, messager d'Allah. Alors il répond, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, eh bien, dans ce cas-là, vous n'allez pas non plus vous causer du tort et donner de la difficulté les uns les autres à voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, de la même manière que vous n'avez pas de difficulté à voir la lune et le soleil lorsqu'il est au-dessus de vos têtes et qu'il n'y a pas de nuages. Donc le cheikh dit, فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ دَرَبَ هَذَا الْمَثَلْ لِلْتَأْكِيدِ لتأكيد أن المؤمنين يرون ربهم تشبيه الرؤية بالرؤية وشبه رؤيتهم لربهم وأنها أمر محقق ومؤكد ولا يحول بين رؤيتهم لربهم حائل برؤيتنا للشمس والقمر فالشمس إذا كانت في كبد النهار ليس دونها سحاب لا يتمارون في رؤيتها ولا يزدحمون في النظر إليها كذلك القمر إذا دخل ليلة البدر لا يزدحم الناس ولا يضامون في رؤيته ولا يمارون في رؤيته كذلك الله سبحانه وتعالى وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء فالله ليس كمثله شيء لا الشمس ولا القمر ولا غيرهما. Donc le cheikh il explique que comme j'ai expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner un exemple pour les croyants pour leur montrer et pour confirmer que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, vont voir leur Seigneur, et c'est pour faire ressembler la facilité qu'ils auront de voir Allah à la facilité qu'ils ont de voir le soleil et la lune, et non pas de faire ressembler Allah au soleil et à la lune. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de faire ressembler Allah au soleil et à la lune, mais c'est de faire ressembler ou de montrer la ressemblance entre la facilité dont on peut voir le soleil et la lune quand il n'y a pas de nuages et qu'elle est au-dessus de nos têtes, et la facilité qu'on aura à voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc il n'y a pas de tashbih entre Allah et sa création dans ce hadith là et c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala rien ne lui ressemble et rien n'est comme lui, ni le soleil ni la lune et ni quelque autre chose en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala ne peut lui ressembler. Donc ça c'est quelque chose de clair, et donc il n'y aura pas de foule, il n'y aura pas de masse qui pourront nuire. C'est-à-dire que le fait qu'on soit tous réunis, tous ensemble, et qu'on soit tous rassemblés sur une terre plate, et qu'on sera tous, comme Allah nous a créé la première fois, eh bien ça ne va pas être quelque chose qui va nous nuire et nous rendre la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala difficile ce jour-là. Et il dit ensuite, وكما جاء في حديث رواه مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وقال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقول ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قالوا فيكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. Donc également parmi les preuves que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le hadith qui est rapporté dans le sahih de l'imam muslim selon Suhayb. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque les croyants vont rentrer, les gens du paradis vont rentrer au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va leur parler et il va leur dire: voulez-vous que je vous augmente ou que je vous rajoute quelque chose? Et ils vont dire: n'as-tu pas rendu nos visages éclatants? Et ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis? Et ne nous as-tu pas sauvés de l'enfer? Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va retirer le voile. Va retirer le voile. Et il dit que personne n'aura reçu quelque chose de plus aimé. Pour eux que de voir leur Seigneur. Donc ça c'est un autre hadith qui prouve que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit al-adillatu ala dhalika ala ithbat ru'yatillah kathira. Wa saq ibn al-qayyim hawali 30 hadithan fiha as-sahih wa fiha al-hasan wa fiha ad-da'if kulluha fiha ithbat ru'yatillah tabaarak wa ta'ala an Abi Bakr وعن علي وعن أبي هريرة وعن صهيب وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم وأن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم آمين. Donc le cheikh il explique. Il dit que ça c'est parmi les nombreuses preuves. Il dit il y a de nombreuses preuves que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim il a mentionné à peu près 30 preuves dans son sahih. Plutôt l'imam Ibn al-Qayyim il a rapporté à peu près 30 preuves dans son livre Hadi al-Arwah. C'est un livre dans lequel il mentionne les descriptions du paradis. Et donc, dans ce livre-là, il a mentionné les hadiths qui sont, il a dit à peu près 30 hadiths qui sont entre différents niveaux d'authenticité. Donc, il y a parmi les hadiths, parmi ces 30 hadiths, il y en a qui sont authentiques, sahih, et d'autres qui sont authentiques, mais d'un degré plus bas, donc hasan, et il y en a d'autres qui sont faibles. Et il dit, tous ces hadiths-là sont des hadiths qui sont des affirmations de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection et dans le paradis. Et c'est rapporté selon Abu Bakr radiyallahu anhu et Ali et Abu Huraira et Suhayb et Abu Sa'id al-Khudri et d'autres radiyallahu anhum ajma'in. Et tout ça c'est la confirmation que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection. Et il dit: je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous et de vous des gens du paradis, déjà des jardins de délices, et qu'il nous fasse à tous l'honneur de voir Allah subhanahu wa ta'ala et de voir son noble visage. Donc ça c'est la fin du cours aujourd'hui et c'est la fin de yani la partie numéro 7 au sujet de cet élément qui a rapport avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses noms et ses attributs. Et donc on vient de donc terminer cette partie. Au prochain cours on continuera avec la question qui a rapport avec le paradis et l'enfer, hein? Le paradis et l'enfer, ça c'est au prochain cours inshallah. Et juste pour expliquer en même temps aussi, c'est que j'ai décidé qu'on va faire deux cours le lundi et le mardi. On va faire la aqida des deux razis. Et le mercredi et jeudi, on va faire l'autre livre qui est Al-Muhkam al-Mutashabih fi al-Takfir wal-Jihad. C'est-à-dire la clarification des ambiguïtés au sujet du takfir et du jihad. Et ça va être demain et après-demain, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et je vous rappelle en même temps que le frère Abdul Malik Abu Adam, il a son cours dans quelques minutes. Donc, ceux qui veulent assister, ils sont encouragés de profiter de ce cours de notre frère Abdul Malik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi.